14-41. Activation orale, forme masculine et féminine. Mettez au féminin selon l'exemple. Vous entendez? 1. Robert est un garçon cérémonieux. Et vous dites? Mireille est une fille cérémonieuse. Bon, allons-y. 2. Son père est gardien. Sa mère est gardienne. 3. Son frère est parisien. Sa sœur est parisienne. 4. Il est plutôt silencieux. Elle est plutôt silencieuse. 5. Mon oncle est caissier. Ma tante est caissière. 6. Il est président d'une banque. Elle est présidente d'une banque. 7. Robert est un garçon très vivant. Mireille est une fille très vivante. 8. Il est aussi très sympathique. Elle est aussi très sympathique. 9. Il est franc. Elle est franche. 10. Son cousin est italien. Sa cousine est italienne.